pas le destin, pas la fatalité, c'est pas le destin qui t'a rappelé. Non, pas le destin, pas la fatalité, c'est pas le destin qui t'était destiné. Il aura fallu que ce soir-là, tu ailles embrasser tes amis, dire au revoir aux gens que tu aimes. En fait, au revoir, ce fut un adieu, car au retour, le gel amoncelle. Cette route a décidé, plus de projets, plus d'idées, plus rien, juste deux lignes dans le répulorin. C'est pas le destin, pas la fatalité, c'est pas le destin qui t'a rappelé. C'est pas le destin, pas la fatalité, c'est pas le destin qui t'était destiné. Tu voyais la vie toujours en couleur, la rose t'a préférée, ton moral me mettait à plat, ton sourire me donnait la foi. Et ces soirées passées tous les deux, on ne parlait presque pas. Nos regards étaient identiques, nos pensées, notre seule politique. C'est pas le destin, pas la fatalité, c'est pas le destin qui t'a rappelé. Non, pas le destin, pas la fatalité, c'est pas le destin qui t'était destiné. Pas le destin.